Laurence et Stéphane se sont infiltrés au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Osmose Radio avec Sophie et Naf pour le Festival du Polar à Villeneuve-les-Avignon. En face de moi, j'ai un beau sourire, celui de Sophie et Naf. Vous êtes journaliste à Cosmo, mais pas que. Vous écrivez aussi des polars. C'est la première fois que vous venez à Villeneuve ? Alors, c'est la première fois que je viens sur le festival, en effet. En revanche, ce n'est pas du tout la première fois que je viens dans la Chartreuse ou quoi, parce que j'ai habité 4 ans l'île sur la Sorgue. Donc, inutile de dire qu'en ayant cette Chartreuse à proximité, je suis venue visiter plusieurs fois. Et alors, comment passe-t-on de journaliste de Cosmo à écrivain de littérature policière ? Vous avez beaucoup d'humour dans vos bouquins. Alors, racontez-nous un peu comment on passe de l'un à l'autre. Alors, en fait, l'humour, pour le coup, est le trait d'union entre les deux, l'humour et l'écriture, parce que Cosmo, les habitués qui connaissent, c'est un magazine qui travaille énormément la plume, en fait. Et donc moi, je suis journaliste à Cosmo depuis des années parce que j'aime écrire. Et donc, quand on aime écrire, on a envie d'aller vers le roman. Et pour le roman, je voulais quelque chose d'un peu différent. Avec le policier, je savais qu'il n'y aurait pas de comparaison. Et en plus, surtout, j'aime le policier. Mais en revanche, l'humour, je voulais le garder parce que, comment dire, il fait partie intégrante de mon écriture. Pour moi, écrire, il y a nécessairement une dimension humoristique dans l'écriture. Mais qu'on ne trouve pas toujours dans les policiers. Bon, il y a des héros récurrents, je pense à Westlake et sa série, mais tous les écrivains de policiers n'écrivent pas sur le ton de l'humour, alors que vous, oui. Oui. En fait, le policier est aussi varié que la littérature en général. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on retient, puisque par essence, ça parle de crime, donc ce n'est quand même pas le sujet le plus marrant. Mais il y a quand même pas mal d'auteurs qui mettent de l'humour et du décalage dans le policier. Mais c'est vrai que c'était un peu passé de mode. Et dans les derniers auteurs, il y en a très peu. Il y a Sébastien Gendron qui est à Villeneuve aujourd'hui aussi. C'est quand même une dimension qui est restée dans le policier pendant des années. Le dernier livre paru, c'est Poulet grillé. Poulet grillé, je l'ai en face de moi. Déjà, vous annoncez la couleur, rien que le titre, c'est plutôt sympathique. Mais le dernier livre paru, c'est Resté groupé. C'est pas vraiment la suite, c'est un peu comme Tintin, hein. Ce sont des épisodes distincts. On peut commencer par Rester groupé. C'est vrai que c'est mieux de commencer par Poulet grillé, honnêtement. Voilà, c'est un autre épisode. On retrouve la bande de policiers déclassés et mis au placard qu'on voit dans Poulet grillé. Et là, ils trouvent une autre enquête. Cette fois, c'est une enquête qui se passe aujourd'hui. C'est pas un cold case, c'est pas une affaire ancienne, c'est une affaire fraîche qui est liée à la famille de Capestan, de l'héroïne, de la commissaire. Merci beaucoup Sophie et Naf, on vous souhaite le succès le plus grand possible. La preuve c'est qu'ils vont tous arriver à se faire dédicacer vos ouvrages et que nous les pauvres malheureux que nous sommes, on devra passer après. En tous les cas, tout le succès du monde et merci beaucoup pour ce petit entretien accordé. Mais merci à Osmose Radio, merci beaucoup, merci, avec plaisir. Merci à le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.